Il paraît que le monde se modernise, qu'on est plus trop libre. Je t'apprendrai rien en disant que partout c'est la crise, que partout ça baisse, ça vole, que partout ça arnaque, que notre cher élu Obama va casser la baraque. On dit que le rap est dead, qu'on a plus d'argent dans les caisses, que ça pirate sur internet, que le business est grave en baisse. Milieu de merde, je m'évade comme Jack et Monsieur Bess. Si j'avais voulu faire de l'argent, j'aurais mis mon cul sur eBay. Il paraît que dans le milieu y'a des efforts à consentir, que dire du niveau qui empire et de tous ces cons qui s'en tirent. Et puis tant pis, je continue à m'éclater, c'est trop de la bombe, comme quand je vois passer une belle caisse ou une jolie blonde. Des écrits chocs à l'état brut, des intrus qui me sucent la bite, sûr que l'estru je la culbute, seul est vrai, ça vous j'habite. À ce qu'on dit, pareil que dans notre dos ça papote. S'inquiétez pas les gars, y'a que les faux qui payeront la note. D'inox, basique à Grimo, y'a de la dynamite dans l'air, c'est la bombe, comme quand nos fous chantent au standard de Liège. À ce qui paraît, y'a du level, à ce qui paraît, ils nous en veulent, rien à foutre. Moi et mes acolytes, on s'en sortira tous. Il paraît qu'on, paraît que ça pue et qu'on est con. Dis-t'on par-ci, dis-t'on par-là, mais ferme ta bouche et retiens la leçon, on est intouchable. Parce qu'en plein haute altitude, on déchire comme d'habitude. Il paraît qu'on, paraît que ça pue et qu'on est con. Dis-t'on par-ci, dis-t'on par-là, mais ferme ta bouche et retiens la leçon, on est intouchable. Parce qu'en plein haute altitude, on déchire comme d'habitude. Il paraît que, moi je te forme avec le fond et la forme. Ma trompe surveillée, mec, tu finiras pas. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tu le vois d'un mauvais œil. Reste simple et crédule, puisque tu ne dors que la soleil. Yeah. Il paraît que trois gars viennent faire mal. Réveiller tes tracas, coup de coude, de punch à les coups de queue, tu connais ça. Pose tes stuff et reste là. Écoute et parle pas, sinon la sortie c'est par là. Pareil, un tas de choses à mon sujet, c'est bizarre à dire. Les gens offrent tellement leur derrière, victime d'hémorroïdes. Je suis pas devin de ta ville, je m'en fous d'être le tigre tiède. Truc t'es si magré, foulez-toi dans ton huc. Je vois les choses autrement, depuis que je vais parler de moi. Après cette phrase on dira que je me la pète, c'est ça ouais. C'est pas grave, de toute façon ça fait du buzz. Après une scène on veut me sucer la carotte comme Bunny Buzz. Intestable, détestable, parfois même trop instable. Je m'installe dans le rap avec un style confortable. Il paraît qu'on se prend pour les vacances sur Cassambay. Je terminerai mon couplet par un concerto madré. Il paraît qu'on, paraît que ça pue et qu'on est con. Dis-t'on par-ci, dis-t'on par-là, mais ferme ta bouche et retiens la leçon, on est intouchable. Parce qu'en plein haute altitude, on déchire comme d'habitude. Il paraît qu'on, paraît que ça pue et qu'on est con. Dis-t'on par-ci, dis-t'on par-là, mais ferme ta bouche et retiens la leçon, on est intouchable. Parce qu'en plein haute altitude, on déchire comme d'habitude. Tu paraît que chez les tocards ça recrute. Et du haut des ragots j'espère ta chute sans parachute. Connard les langues de pute, je leur pisse à l'arrêt. Il paraît que la Palestine c'est à l'Israël, mais c'est pas vrai. Paraît-il que la rue c'est bien, c'est beau, que fumer des joints fait plaisir au cerveau. C'est faux, il paraît que toi tu peux me tester, car t'es balèze, mais aussi que ta mère je la baise. Il paraît que les noirs, les arabes sont violents. Il paraît que Marc Dutroux y fournirait son blanc. Qu'un rappeur c'est un voyou, quand faut le prouver à part nulle part. Ouais les rappeurs on les voit où, que le voile est dégradant comme l'islam, que s'habiller comme une salope fera de toi une femme. Il paraît que les chômeurs sont des glandeurs, que les banques sont vides comme les couilles des branleurs. Il paraît que la police elle sécurise, qu'aucune bavure de flic pourri les gens subissent. Il paraît que le rap c'est pas une musique. Il paraît aussi que ce morceau c'est pas une tuerie.